Les années 60 et 70, animées par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Terrain Incognita. Je suis en forme ce soir, là, ça paraît. Eh oui, donc 2 heures, c'est votre rendez-vous de rock progressif hebdomadaire. 2 heures de bon rock. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? On a quelques nouveautés. On a un groupe belge qui s'appelle Fish on Friday. C'est probablement des catholiques, j'imagine. Du poisson ce vendredi, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Moi, en tout cas, oui. Ça trahit peut-être mon âge, mais on était comme, on dit en québécois, pogné pour manger du poisson le vendredi. Et moi, je mangeais des céréales. C'était pas péché de manger des céréales, mais il fallait pas manger de viande. On va avoir The Watch. D'ailleurs, c'est The Watch qui ouvre. Évidemment, vous savez peut-être un peu pourquoi, parce que le groupe nous visite le 22-23 novembre à la scène Le Bourgneuf. C'est leur spectacle de Yellow Show avec Nursery Crime, mais en petit bonus cette fois-ci. Ils vont interpréter des pièces de A Trick of the Tail et Wind and Watering, mais comme si Peter Gabriel était resté dans le groupe. Donc, ça va donner quelque chose d'assez spécial. Les gars ont réarrangé les pièces pour que ça sonne comme du vieux Genesis du début des années 70, et puis c'est Peter Gabriel qui les chante. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant. Enfin, moi, je suis très curieux, là. Et puis, ils vont aussi, évidemment, nous présenter quelques pièces de The Watch. Et il va y avoir aussi au menu une ou deux pièces de Trespass. Et j'imagine qu'il va y avoir cette pièce-là au menu. Are they who smile for bodies free? seems to me like any other crowd who are waiting to be saved. We'll be right back. Ça nous vient de Belgique, je vous en parlais tantôt, Fish on Friday, le poisson le vendredi. Que de bons souvenirs pour les gens qui ont plus de 50 ans. Et on avait avant The Watch, évidemment que je vous en ai parlé tantôt, mais je vous en reparle quand même, qui vont être le 22 et le 23 novembre. C'est rendu quasiment une habitude maintenant pour ces sympathiques Italiens de nous rendre visite l'automne. Ça vient égayer un peu notre automne, donc cette année c'est le 22 et le 23 novembre. Et c'est au centre, la salle Le Bourgneuf, le centre Le Bourgneuf, mon Dieu, écoutez, là, je suis un peu mélangé dans le nom de la salle, mais c'est sur le boulevard Le Bourgneuf, vous ne pouvez pas vous tromper. Bruno, non, tu ne peux pas m'aider, là? Non, il ne m'aide pas. Bah, il ne sait pas lui non plus. Non. Ben oui, c'est ça, c'est la salle de Le Bourgneuf. Bah, OK. Donc, 22-23 novembre, et puis c'est le Yellow Show. Donc, Nursery Crime au menu et aussi des pièces de Trespass, A Trick of the Tail, Wind and Watering et évidemment de leur compo. Donc, ça va être. Et c'est deux soirs. Donc, je pense qu'on va s'amuser ces deux soirs-là. C'est un jeudi et un vendredi. On va vous en reparler de toute façon, c'est sûr. Il nous reste encore deux mois et quelques. On continue en musique, mais je vais vous dire ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est qu'on a une entrevue dans peut-être une dizaine de minutes avec Simon Caron de Red Sand. Le groupe va être en concert, mais là, je le sais où, au Centre d'art, la Chapelle, le 4 octobre. On en parle vers 10h30-31 dans ce coin-là. Ça devrait rester des nôtres. Et on continue en musique avec une formation américaine que j'ai découverte récemment. Mais enfin, je connaissais un des membres qui faisait partie d'un groupe qui avait pour nom Magus. Là, ça s'appelle The Winter Tree. C'est leur deuxième essai, puis celui-là est vraiment bon. Guardian, on écoute l'intro et puis la seconde pièce, on enfile ça. Avant de vous revenir avec quelques pubs et une entrevue avec Simon Caron. Yelled, come, come, come, come. Québec. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. La Rencontre internationale d'art-performance de Québec 2012 vous convie à sa 17e édition du 6 au 9 septembre et du 13 au 15 septembre. Des artistes en art-action et art-performance provenant de la Colombie, d'Uruguay, d'Espagne, de la France, de Suisse, du Vietnam et de Birmanie. Des tables rondes présentées par le Centre interuniversitaire de recherche sur les lettres, les arts et les traditions. La RIAP à l'édifice CDTI Le Soleil au 390 Saint-Vallier-Est dans le quartier Saint-Roch. Informez-vous sur riap-performance.org. Visitez notre page Facebook. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de systèmes de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avidjam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avidjam.com. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et nous voilà. Et nous voilà. Et nous voilà. Et nous voilà. Et nous voilà. Donc, bonsoir, tel que annoncé il y a quelques minutes, j'ai avec moi Simon Caron de Red Sun pour une petite entrevue pour enfin souligner, ben, on peut dire oui, souligner, tu n'étais pas venu avant pour nous parler de ton nouveau disque, le Behind the Mask, mais c'est aussi pour parler du concert qui a lieu le 4 octobre au Centre d'art La Chapelle. Et on, oui, hein, je pense que ça ressemble pas mal à ça. Là, oui, c'est un peu, mais on va parler du disque quand même aussi. Exact, on va faire un deux pour un, tu sais. Bon, parfait. Behind the Mask, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais ça a été, c'est un peu comme un disque de retour pour toi, ça. Oui. Je suis allé à la source, je suis revenu à ce que je faisais au départ et je l'ai approfondi encore plus, le nouveau CD. Je l'ai travaillé chez moi. Tu sais, je me suis amusé. Ce qui arrive des fois quand tu rentres en studio, des fois tu as un peu de pression parce que tu as un contrat de signer. Fait que quand tu es tout seul chez vous, tu n'as pas de pression là-dessus. Ouais, quand tu regardes l'horloge passer, ça coûte cher des fois. Puis tu es en train de niaiser sur une coupe de notes. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Exact. Mais il y a aussi, je pense, le fait que tu avais comme eu l'idée à un moment donné d'accrocher ta guitare. Ben, en tout cas, oui. Pour un certain style de musique, c'est-à-dire le rock progressif. C'est pour ça que je parle un peu d'un disque de retour, parce que c'est un peu ça aussi. Là, oui. C'est un retour au rock. Mais les gens ne le savaient pas, par contre. Non, parce que quand j'ai fait Music for Sharks, c'était supposé être le dernier album de Red Sand. J'ai parlé un petit peu de la corruption qui se faisait dans la musique. Je me suis même fait frapper par quelques entreprises. Il y en a un qui m'a boudé pendant un an et demi. Deux ans. Il y en a un qui m'a boudé pendant deux ans, puis j'avais parlé en mal. Des producteurs de CD, là, ceux qui font de l'argent des fois sur le dos des artistes. Mais bon. Oui, j'étais supposé d'arrêter puis de faire un album country. Okay. Ça n'a aucun rapport. Mais l'album country est encore en projet. Non, écoute, moi, j'ai rien contre ça. C'est juste que ça fait drôle de dire oh, non, je lâche le prog, je vais faire du country. Oui, ben j'aime beaucoup le country puis le blues. Je vais faire un amalgame des deux. J'ai commencé quelques pièces qui sont super intéressantes. Il y a beaucoup de guitares en passant, tu sais, ça a l'air niaiseux, ben, country, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guitares dans mon projet. Ouais. Non, puis ben, moi, je sais que tu étais très bon guitariste de blues. Oui. Parce qu'on se connaît depuis. Je pense que je suis encore meilleur guitariste de blues, oui, que effectivement. De rock. Non, c'est vrai, ouais. Croyez-le ou croyez-le pas, mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, tu as encore ta guitare autographiée B.B. King. J'ai toujours ma Lucille autographiée de B.B. King. Ça, c'est un bijou qui sortira ça va pas. Rester, ça va rester le temps de ma mémoire. Oui, on était ensemble en plus. Oui. Ça, de te voir. Puis tu l'as eu quand même. Je l'ai eu. Moi, je t'assure que ça ne marchait pas. Ben, tu sais que j'ai pris un guess avec Baudouin Musique là-dedans. Hein? Ah oui? Parce que la guitare était à vendre chez Baudouin. J'ai dit à Raymond, j'ai dit, garde, je pars avec ta guitare. Si je la fais autographier, je l'achète. C'est quand même 3 000 $, là. J'étais dit wow. Puis j'ai dit, si j'avais pas signé, je te ramène demain. Il sait beau part avec. Il était quand même. Hein, il est pas nerveux. Non, il n'est pas nerveux. Ben, il connaît. C'est ben ça. Oui, on a réussi à faire signer, puis bingo. Je l'ai acheté. Enfin, c'est que. Et voilà, après avoir pris une coupe de café, tu t'es dit, tiens, let's go, on recommence. Oui, je la piqûre m'a pris de faire du rock progressif. Écoute, ben, ça faisait quand même 2009, 3 ans. C'est rare pour Red Sand de ne pas faire d'album pendant 3 ans. C'est vrai. Puis là, je suis en train d'en monter un nouveau. J'ai déjà une pièce de 20 minutes de montée pour le prochain CD, puis il va être quelque chose, cette pièce-là. Elle va sonner. Bon. Ça sonne intéressant. Ouais. Ben écoute, on va en donner un petit avant-goût. Moi, c'est ma pièce préférée du disque, Zero of War. Oui. Je trouve qu'elle sort un peu de ton son habituel. Est-ce que c'est la première pièce que tu as commencé à travailler? Ou... Non, c'est. La écoute, dernière? Cette pièce-là, là, je l'ai faite dans une journée. M'a t'expliqué pourquoi. J'avais une pièce instrumentale qui était censée ouvrir l'album, mais c'était planant. Ma blonde écoute ça, elle dit coudon, elle dit Simon, elle dit. Peut-être un peu trop planant. Elle dit, fais d'autres choses. Elle est partie travailler le matin, j'ai monté de quoi dans la journée, j'arrive à ça, j'ai dit ça. Elle dit, c'est tombé bizarre cette tune. Puis à un moment donné, elle dit, je les écoute là plusieurs fois, elle écoute, elle dit, t'es cœur, hein. J'ai dit, bon, c'est beau, c'est celle-là que je prends. Fait que je l'ai monté un vendredi matin, puis vendredi soir, t'es prête. Ouais, ben moi, en tout cas, c'est ma préférée. C'est ce qu'on va écouter à l'instant. Excellent. Zero à foire, mais on vous revient après cette pièce. Ritson, donc, du plus récent, Behind the Mask. Je vous rappelle que j'ai Simon Caron avec moi ce soir. Ben, je pense qu'on va parler du show cette fois-ci. Non, on a parlé du disque qui est relativement récent. C'est pas un lancement de disque, là, mais... Non, c'est pas un lancement, mais je voulais que les gens le découvrent avant de faire un lancement. En fait, ça va être un lancement le 4 octobre, par contre. Vu que vous le présentez intégral... Oui, on joue en intégralité, puis ça fait 5 ans qu'on n'a pas joué vraiment en vedette dans un show. Le dernier show, c'était Human Trafficking. OK. 5 ans. J'avais pas l'impression. Si tu m'avais demandé, j'aurais dit, oh, ça doit faire 2 ans. Non, 5 ans. On a joué des premières parties Saga, Van de Graaff, Generator, mais le band qui joue un show live, là, c'est vraiment 5 ans. C'est que donc vous jouez intégralement Behind the Mask, votre plus récent, puis il doit y avoir autre chose aussi au menu. Hein. Oui, on joue au complet l'album. On fait une deuxième partie, c'est qu'on joue des vieilles pièces comme Blame. Very Strange, Love and Music. Blame, ok, ouais. Ça, c'est Blame et... Mirror of Insanity. Mirror of Insanity. Ouais. Bel album, là. Ça a été... c'était le début, hein. C'était le début. Un beau début. Un beau début qui m'a fait que j'en ai fait d'autres après, parce que moi, c'est toi qui m'avais lancé. Simon, fais-le un album, ça serait le fun. Ouais, je me répète. J'ai fait Mirror of Insanity, puis je t'en remercie encore. J'ai fait Mirror of Insanity. Les critiques ont été tellement bonnes, j'en ai fait un autre. Sinon, je n'aurais même pas fait d'autres. Ben, d'ailleurs, je mange un copyright, moi, sur le nom du groupe. Oui, c'est vrai. Et je le dis souvent dans les entrevues. J'ai beaucoup d'entrevues dans les magazines européens, anglais, puis tout ça. Puis je dis tout le temps que le fondateur du nom Red Sand, c'est Michel Bilodeau. Parce que je trippe sur Camel. C'est vrai. Non, moi, j'ai pensé à ça justement à cause de ça. C'est pas compliqué. Je sais que tu es un maniaque de Camel. Ben oui. Bien, je suis allé voir à Washington en 2003, je crois qu'il était. C'est la dernière tournée. C'est ça. Ouais. Tears, pas Harbor of Tears, mais c'était Not in a Wink. Là. C'est ça. Mais là, pour revenir au show du 4 octobre, venez-vous-en tout en gang. Là, je sais qu'il y a au-dessus de 100 quelques billets de vendus. Il n'en reste pas une pochetée. Mais bon, c'est bien quand c'est plein. Hein. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça soit plein parce que le show est filmé. Ah, OK. Fait qu'il va être vendu sur DVD en 2013. Fait que c'est le fun quand t'as une belle salle pleine puis que l'extérieur dit « C'est vrai que la ville de Québec, c'est une belle ville de prog, hein? » Ça, oui. Effectivement. C'est toujours bon pour les groupes qui viennent de l'extérieur, mais là, ça serait le fun que le band local attire autant de monde qu'un band qui vient de l'extérieur. Ouais. Ben, écoutez, moi, je vous le souhaite. Là. Fait que gênez-vous pas, là, les progueux, là, acheter des tickets, c'est le fun qu'on ait du monde dans la salle puis que le monde trippe. Ça ne tente pas d'en faire un show dans 5 ans. Fait que, let's go. Non, dans 5 ans, effectivement. Ça me le tente trop. Le ratio est pas assez élevé pour maintenir. Donc, on va continuer en musique avec une. Je pense que c'est la dernière du disque. Oui, Veil of Insanity. D'ailleurs, celle qui joue le piano là-dessus, c'est ma fille Pensilia, elle a 14 ans. Elle avait 14 ans quand elle l'a fait. C'est instrumental, hein, je pense. Elle est instrumentale, oui. Puis elle a des belles critiques, cette pièce-là. Y a-tu un lien avec Mirror of Insanity ou. Non, il n'a pas. Puis quand j'ai vu, pas non plus. Quand j'ai sorti le titre, j'ai dit ouais, mais ils vont peut-être être comparés, mais non, il n'y a pas de lien. OK, parfait. Donc, c'était Simon Caron qui, je vous rappelle, leader de Red Sand, qui le groupe sera au Centre d'art de la Chapelle le 4 octobre. Exact. Ça s'en vient assez vite quand même. Ça s'en vient un mois, même pas. Même pas un mois. Exact. Donc, on vous attend grand nombre, billettech. Puis appeler aussi au centre d'art La Chapelle, c'est pas accepté. Très belle salle, d'ailleurs. Ceux qui assistent régulièrement là, aux conventions Terrain Incognita, vous connaissez la salle. Ben oui. C'est une très super belle salle. Ouais. Donc, écoute, un gros merci, Simon. Merci, Michel, à toi de m'avoir accueilli. Et puis, on continue, nous, avec Red Sand, du plus récent Behind the Mask. Excellent, merci. 911. He pointed the gun straight at us and cried. Okay, I just want you to stay in the line with me. I need to know what's going on. Okay. Okay. We have paramedics, we have fire, and the city's on route. Okay, sir? Okay. Yeah, is there any way you can block the door so no one can get in? We've got alarms going off now as well. What's your name, ma'am? Okay. Okay. Sis fell downstairs again. Mom is looking tired. Little brother hit his head again. We all know what's going on. And I, wherever I can, hold my rabbit tight.

Yeah. Save the name. off the deal. Yes. Depuis quelques années, cette formation enfile les chefs-d'œuvre un après l'autre, et puis leur tout récent, English Electric Volume 1. Ben, ça fait pas exception, je vais vous le dire tout de suite. C'est un autre petit chef-d'œuvre de bon prog, typiquement 70, avec une voix qui évoque M. Gabriel. Et, enfin, moi, j'adore ce groupe, le Big Big Train. Je pense que c'est leur quatrième en ligne là, qui est d'une perfection et d'une inspiration. Moi, ça me jette à terre, surtout quand on connaît les premiers disques du groupe qui sont peut-être vraiment... On a des difficultés à penser que c'est le même groupe qui a réalisé ces disques-là. Et puis les premiers, il y a eu comme on dit, quelques crans, quelques coches au-dessus. Et enfin... Donc, c'est leur dernière livraison, English Electric Volume 1. Donc, il va y avoir une suite, je pense, dans quelques mois. C'est déjà enregistré. Un excellent disque, Big Big Train. Donc, je pense que c'est juste dommage que ce groupe-là ne présente aucun concert. Parce que je serais vraiment curieux d'y voir à l'œuvre sur scène. Tout juste avant, ben, nos Californiens psychédéliques prog préférés, Astra, The Wording, leur premier essai. Et, ben, c'est... Finalement, ben, c'est ça. Il n'y a pas une demi-heure qui a été assez rapidement ficelée, ça. Donc, Astra et Big Big Train. On va poursuivre avec notre dernière demi-heure. Ça, c'est une petite découverte que j'écoute depuis plusieurs semaines, même, je dirais, The Amazing, un groupe de Suédois. Et on retrouve, entre autres, M. Rein Fisk, guitariste... Que jouer avec plusieurs formations suédoises, mais c'est quelqu'un qui ne tient pas vraiment beaucoup en place. Moi, je l'ai découvert avec Lan Burke. Il a joué aussi dans le projet Morte Macabre. On le retrouve avec Pathos, le premier, mais il n'est pas resté. Il a fait partie d'un autre groupe, et puis je pense qu'il fait partie maintenant d'un groupe qui s'appelle Dungen, ou D-U-N-G-E-N, je ne sais pas comment ça se prononce en suédois. Et puis, ben, il nous arrive avec un projet avec des membres de ce groupe-là et d'autres musiciens suédois, et c'est beau petit bijou là, de rock pop psychédélique des années 60-70, et il y a une pièce entre autres là, qui me rappelle Landberg, c'est celle qu'on va écouter d'ailleurs dans quelques instants, et d'autres vraiment là, on se retrouve à la bonne époque des années 60, avec les harmonies vocales, et puis c'est la guitare un peu à la John Cipollina de Quicksilver ou Peter Green. Et en tout cas, moi, j'adore, et je pense que c'est un disque qui mérite d'être découvert. Donc, c'est The Amazing, le titre, c'est Gentle Stream. C'est ce qu'on va écouter, mais après, c'est quelques messages d'intérêt public. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Pale Ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. India Pale Ale. Stout impérial. La Barberie, parce que nous sommes différents. À l'occasion de l'événement Bordeaux Fête le Vin à Québec, l'Ampli et la Rock School Barbé vous offrent une grande cuvée musicale. Du 6 au 9 septembre, dans le port de Québec, sur la scène du bistrot SAQ, la vitalité de la scène musicale bordelaise et québécoise vous fait toute une scène. Du Québec, Sophie Williams, Bertrand Lemoine, Isabeau et les chercheurs d'or, Webster, Muted Screams, The Seasons, François Duchesne, Mood Session, Who Are You, Philémon Chante, Agnès Beauregard, Garoche ta sacoche et Midnight Romeo. Côté Bordeaux, les groupes Petit Fantôme, François and the Atlas Mountains, April Shower et enfin, le beatboxer Beastie. Let's go!

Artiste de Robertval du Lac-Saint-Jean, RG, le titre du disque c'était Au-delà des ombres. C'est un disque qui est paru, mon lit doit avoir, ça doit faire 7-8 ans, là. Dans ce coin-là. On attend toujours la suite. On voit que RG c'est pour Robin Godreau, qui est un bonhomme qu'on sent qui est vraiment inspiré là, par Harmonium et tout ce qui s'est passé dans les années 70 ici, là, en termes de prog. Un excellent disque, Au-delà des ombres. Tout juste avant, on avait White Willow, une pièce en concert. Ne la cherchez pas nulle part. C'est, en fait, oui, il y a une place où est-ce que vous pouvez la trouver. C'est sur le disque Terra Incognita Archive Volume 1. Une pièce que, en fait, White Willow nous a confié deux pièces inédites en concert pour ce disque. Donc, c'était une de ces deux pièces. Tout juste avant, on avait Land Burke, One Man Tells Another. Ça, c'est un classique pour moi. Et la pièce Contiki, c'est même si je l'ai écoutée 2 millions de fois, c'est encore aussi jouissant que la première fois. Et on avait débuté avec The Amazing Gentle Stream, le lien étant le guitariste Ryan Fisk, qui est un électron libre, ce monsieur Fisk, qui se promène d'un groupe à l'autre, mais qui a une petite touche magique. Ceux qui ont écouté Mortier Macabre, entre autres, ou Pathos le premier, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment un guitariste qui joue avec son cœur et son âme. C'est un de mes préférés, en fait, en Suède. Et ça complète notre émission pour ce soir. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute qui suit dans quelques instants, si je peux arrêter de parler. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. C'était Michel Bilodeau et Bruno.